Oui. Toi qui vois le soleil, hein, tu l'as pris. Ah ouais, non, mais rien. Andy, hold on. Ah ben non. Naya, Naya, Naya, Arida là-bas.